Chapitre 48e. Le lendemain du jour où Roland de Clailly avait été reçu dans cette maison mystérieuse de la rue de la Pompe par Rebecca, jouant à ravir le rôle de Baccara, sa sœur Puinée, la véritable comtesse Hartoff, arrivait à Paris et descendait à son hôtel de la rue de la Pépinière. La comtesse précédant son mari de 2 jours et le hasard semblait servir comme un souhait les plans ténébreux de Rocambole. Le jeune gentilhomme russe revenait en France par le Rhin et la Belgique, tandis que sa femme se dirigeait sur Paris par Strasbourg et la Lorraine. Seulement, le premier trajet étant plus long, Baccara arrivait 2 jours plus tôt. La femme élégante qui descendit, tout enveloppée de fourrure, de sa berline de voyage au milieu de la cour de l'hôtel Hartoff, était bien toujours cette éblouissante créature que la douleur et la joie, les angoisses d'une vie agitée d'abord, et les enchantements d'un dernier amour ensuite, n'avait pu vieillir. La 30e année venait de sonner pour la comtesse et son front était demeuré blanc et uni, son regard jeune, son sourire charmant. Baccara avait toujours 22 ans. Celle qui avait tant aimé, tant souffert, avait retrouvé une seconde, une luxuriante jeunesse dans l'amour de cet homme qui n'était presque qu'un enfant, le jour où, agenouillé devant elle, il l'avait suppliée d'accepter sa main et son nom. On se fait si vite au bonheur. Baccara était demeurée la noble femme que nous avons connue, la providence des pauvres et des infortunés, l'amie, la consolatrice de tout ce qui souffrait. Mais ce nouveau et dernier amour que Dieu lui avait permis de ressentir comme une juste récompense de ses vertus, cet amour avait opéré en elle une métamorphose complète. Pendant 2 années, le jeune comte avait voyagé avec sa femme. Paris, la ville oublieuse, ce fleuve de l'été moderne, avait bien vite oublié la funeste célébrité de Baccara. Lorsque les 2 époux étaient revenus, Paris avait salué la comtesse Hartoff comme une jeune et belle étrangère dont la vertu était aussi irréprochable que la beauté. On l'avait vue au fait de l'hôtel de Kergaz, au bal de la belle marquise de Bornhop. Le prince K, Lord E, le duc de Salandrera, tous les étrangers de distinction s'étaient empressés de l'accueillir. Baccara n'existait plus. Depuis 6 mois que la comtesse était absente, on s'entretenait partout de son prochain retour. Partout, on l'attendait avec impatience. Partout, on se promettait de l'accueillir avec empressement. La comtesse arriva vers 5 heures du soir. Elle était attendue, tous ses gens étaient rangés dans la cour, et la saluèrent de leurs respectueuses acclamations. Elle se fit conduire dans le cabinet de son mari, et après avoir pris un léger repas, elle se mit à dépouiller cette correspondance d'importance secondaire qui n'arrive pas par la poste, ordinairement, mais qui n'en est pas moins très volumineuse pour ceux qui reviennent à Paris après 5 ou 6 mois d'absence. Une lettre encadrée de noir frappa son attention tout d'abord. C'était le billet mortuaire de l'Espagnol Don José, le neveu du duc de Salandrera, le fiancé de Mademoiselle Concepcion, le seul obstacle qui, aux yeux de Baccara, eût existé entre la jeune seigneura et le protégé du comte et de la comtesse Hartoff, le duc de Château-Mailly. La nouvelle de cette mort, sur laquelle, du reste, elle n'avait aucun détail, rendit Baccara toute pensive. Elle prit une plume, écrivit un billet de 3 lignes, sonna et le remit à un valet de pied. « Portez cela, dit-elle, à monsieur le duc de Château-Mailly. » Baccara écrivait au jeune duc. « Mon cher duc, je suis à Paris depuis 2 heures. » « Voulez-vous venir prendre ce soir même et le plus tôt possible une tasse de thé chez votre servante ?»« J'ai à causer longuement avec vous. »« Comtesse Hartoff. » Tandis que le valet courait à l'hôtel de Château-Mailly, qui, on s'en souvient, se trouvait situé place Beauvau, la comtesse se disait « Monsieur de Château-Mailly est évidemment le mari qu'il faut à Concepcion. » La pauvre enfant m'avait fait à moitié des confidences touchant Don José. Elle haïssait cet homme, que la volonté paternelle lui destinait pour mari. Don José mort, le duc de Salandrera accordera bien certainement à monsieur de Château-Mailly la main de sa fille. Le duc est un digne jeune homme. Il a pour lui la grâce, la jeunesse, un grand nom, une grande fortune. Concepcion sera heureuse d'être sa femme. Et puis, acheva mentalement Baccara, j'ai un intérêt secret, puissant, à faire ce mariage. Un intérêt que le duc ignore et que je dois lui apprendre. En attendant l'arrivée de son protégé, la comtesse écrivit cet autre billet. « Ma bonne cerise, j'arrive et j'irai te voir demain matin si tu ne veux toi-même accourir ce soir chez moi. ta Louise. » Et elle adressa la lettre à Madame Léon Roland, boulevard Beaumarchais, 60. 10 minutes après, on annonça le duc de Château-Mailly. Le duc était un homme de 30 ans, un peu froid, un peu grave, et qui ne ressemblait plus à ce jeune comte étourdi que l'anglais Sir Arthur Collins avait jadis converti à sa détestable morale, lui offrant la fortune de son oncle pour prix de la séduction de Madame Fernand Rocher. Le duc aimait Concepcion de Salandrera. Il l'aimait avec la résignation douloureuse de l'homme sans espoir. Tandis que Don José avait vécu, M. de Château-Mailly, dont la demande avait été refusée nettement par M. de Salandrera, s'était tenu à l'écart, essayant d'oublier le rayonnant sourire et l'angélique beauté de Concepcion. Don José mort, le jeune duc, obéissant à l'égoïsme humain, avait éprouvé une joie involontaire et l'espoir lui était revenu. Mais, on le sait, le duc de Salandrera et sa famille avaient quitté Paris presque aussitôt pour accompagner en Espagne la dépouille mortelle de Don José. M. de Château-Mailly n'avait vu ni Concepcion ni son père avant leur départ, par un motif de haute convenance qu'il est facile de comprendre. Seulement, un faible rayon d'espoir s'était fait jour dans son cœur, espoir discret, espoir si léger qu'il n'osait l'avouer. Mais enfin, il l'espérait. Et tout à coup, un mot de baccarat lui arrivait. Ce mot venait doubler son espoir. Évidemment, si la comtesse Sartoff le priait d'accourir, c'était pour lui annoncer un événement de quelque importance, ou tout au moins pour lui parler de Concepcion. Quand le jeune duc arriva, il trouva la comtesse assise dans le cabinet de travail de son mari, ayant devant elle une table, et sur cette table un petit cahier de papier qui paraissait couvert d'une grosse écriture d'homme. « Bonjour, duc, » lui dit-elle en lui tendant la main. « Asseyez-vous là, près de moi. » Le duc baisa la main qu'elle lui tendit et répondit « Je me suis empressé, madame, de me rendre à votre aimable invitation. Je croyais, du reste, trouver le comte. Mon mari n'arrive que dans 3 jours. Il est probable que j'eusse attendu son arrivée pour vous prier de venir nous voir sans cette lettre que j'ai ouverte il y a 1 heure. » La comtesse montrait à M. de Château-Mailly le billet de faire part de la mort de Don José. Le duc tressaillit, rougit et pâlit tour à tour. « Oh, » dit-il, « je le savais. J'ai assisté aux funérailles et... » Il s'arrêta et parut hésiter. « Et vous aimez toujours Mademoiselle de Salandrera ?»« Toujours, » murmura le duc d'une voix tremblante. « Peut-être soupirerez-vous moins douloureusement, mon cher duc, » dit la comtesse avec un sourire, « quand je vous aurai lu ce manuscrit que voilà. » Elle montrait le petit papier placé devant elle. « Qu'est-ce que cela ?» demanda le duc. « Attendez et répondez d'abord à mes questions, s'il vous plaît. Parlez, j'écoute. » « N'avez-vous pas une branche de votre famille établie en Russie, à Odessa ?»« Oui, » répondit le duc. « Mon grand-oncle, le chevalier de Château-Mailly, a suivi sous Louis XV le duc de Choiseul, alors ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. Devenu amoureux d'une demoiselle d'honneur de la tsarine, privé de fortune d'ailleurs en sa qualité de cadet, il a épousé l'objet de sa flamme, accepté le grade de colonel dans l'armée russe, il est mort à Odessa, général et comte de l'Empire au commencement de ce siècle. Sans laisser d'enfant ? Pardon. Je dois avoir plusieurs cousins en Russie. Mon grand-oncle avait 3 fils. Mais, naturalisé russe, devenu russe de cœur et d'âme, cette branche de ma famille n'a conservé avec nous aucune relation. Et mon père à moi, le marquis de Château-Mailly, colonel d'un régiment de hussards pendant la campagne de Russie en 1812, a rencontré sur le champ de bataille un colonel de Uhlan, portant le même nom que lui, et probablement son cousin. « Eh bien, » dit Baccara, « c'est précisément de celui-là que je veux vous parler. »« Ah, vous le connaissez ?»« Oui, et c'est lui qui m'a remis ce manuscrit que voilà. » Le duc étendit la main. « Attendez donc, » fit la comtesse, « ce manuscrit a un préambule. » « Et ce préambule ?»« Le voici. » Le comte Artoff, vous le savez, à une fort belle terre aux environs d'Odessa. Nous y avons passé les mois de janvier et février. À 12 ou 15 verstes de notre château se trouve le château de votre parent, le vieux colonel de Uhlan, lui-même. Nous avons fait connaissance à un bal du prince-gouverneur à Odessa. Ce nom de Château-Mailly, vous le pensez bien, nous a fort étonnés. Le comte a questionné le vieil officier. Celui-ci lui a appris qu'il était d'origine française et nous a raconté l'histoire de son aïeul, telle que vous venez de nous la dire. Seulement il a amplifié le détail que vous me donniez tout à l'heure de la rencontre d'un château-maï russe et d'un château-maï français à la retraite de Russie. Le russe, vous le savez, c'était lui. Or, voici, d'après son dire, ce qui s'est passé entre lui et votre père. Le colonel français, à la tête d'une poignée de ses hussards, venait de charger le régiment de Uhlan. Le colonel de ces derniers combattait au premier rang, et les deux officiers arrivèrent à croiser le sabre. Ils se battirent avec acharnement. Le colonel français eut l'épaule entamée. Le colonel russe reçut un coup de pointe dans le bas-ventre. Cependant, le combat continua et tout à coup les deux sabres, se heurtant avec une violence égale, se brisèrent tous deux à quelques pouces de la coquille. « Parbleu, monsieur !» cria le colonel de Uhlan en français, langue que l'aristocratie russe parlait déjà alors. « Nous avons des armes qui me paraissent être de même trempe. » « Comme ceux qui les manient, » répondit courtoisement le colonel français. « Et, poursuit le russe, avant de vous casser la tête d'un coup de pistolet ?» Il mit la main sur ses fontes. Le colonel français l'imita. « Je ne serais pas fâché de savoir à qui j'ai eu affaire. » Le français tira son pistolet et dit, en ajustant son adversaire, « On me nomme le marquis de Château-Mailly. » Et il fit feu. Mais le Uhlan s'était baissé avec rapidité, la balle passa au-dessus de sa tête et il s'écria « Mon cousin !» Puis il remit son pistolet encore armé dans sa sacoche. « Votre cousin ?»« Je suis le chevalier de Château-Mailly, » dit le Uhlan. « Ah, le fils de mon oncle ?»« Précisément. Par conséquent, votre cousin Germain. »« Pardon, monsieur, » dit froidement le colonel de Hussard. « Je ne vous connais pas, et je renie à Château-Mailly qui tire l'épée contre la France. » « Vous oubliez que je suis né sujet russe. »« C'est possible, » dit le colonel, « mais alors vous êtes un ennemi. » Et il poussa son cheval en avant et enfonça le carré des Uhlan sans toutefois continuer le combat avec son cousin. Celui-ci en fit autant, un gros de Cosaques les sépara. Ils ne se sont jamais revus, acheva Baccara. « Je savais ces détails, » dit le jeune duc, « et je suis persuadé que mon oncle, à la mode de Bretagne, doit avoir une haine profonde de ses parents de France. Vous vous trompez. Bon. Et je me suis engagé pour vous vis-à-vis du chevalier de Château-Mailly. Comment cela? Le chevalier et le comte Artof se sont liés. Ils se sont vus souvent. Tantôt le premier venait en traîneau chez nous, tantôt nous allions chez lui. Il nous faisait mille questions sur vous, et je lui promis que l'année prochaine nous vous emmènerons à Odessa. Je le veux bien, dit le jeune homme en riant. Oh, mais ce n'est pas tout, continua Baccara. Et vous allez voir que je ne vous ai pas fait venir ici avec tant d'empressement que parce que j'avais de bonnes nouvelles à vous donner. J'attends, dit le duc surpris. Un jour, la veille de notre départ, le vieux chevalier, qui était venu nous faire ses adieux, nous dit. Quel âge a le petit duc? Près de 30 ans, répondis-je. Quelle est au juste sa fortune? Il a 500 000 livres de rente. Songe-t-il à se marier? Cette question de son vieux parent que lui transmettait Baccara fit tressaillir M. de Château-Mailly. Il crut, un moment, que la comtesse allait lui proposer un mariage et tâcher de lui faire oublier Concepcion. « Je ne me marierai jamais, » murmura-t-il avec tristesse. « Écoutez toujours, » reprit Baccara. « J'ai raconté au chevalier votre amour pour Mademoiselle de Salandrera. Ah, vous lui avez dit, tout, jusqu'au refus que j'ai éprouvé pour vous, jusqu'aux causes de ce refus. » Le nom de Salandrera produisit chez lui une vive surprise. « Mais, me dit-il, pourquoi l'a-t-on refusé ?»« Parce que le duc veut transmettre son nom à son neveu, Don José. »« C'est une raison que je comprends, » dit le chevalier. « Mais si mon neveu était, à l'insu du duc, à son propre insu, à l'insu du monde entier, son parent en ligne directe. »« Son parent ?» dit vivement M. de Château-Mailly. « Peut-être, » répondit Baccara. Et elle continua, toujours souriant. « Avant d'aller plus loin, il faut que vous me parliez de votre généalogie. Votre trisaïeul n'était-il pas maître de camp sous Louis XIV, précisément? Et ne fit-il point partie de l'escorte de gentilshommes français qui suivirent le roi Philippe V, petit-fils du grand roi, lorsqu'il alla prendre possession du trône d'Espagne? Mais, dit le duc avec un sourire, vous savez aussi bien que moi l'histoire de ma famille? Mieux que vous, duc, et je vais vous prouver ce que j'avance. Votre trisaïeul s'est marié en Espagne. avec Doña Luisa d'Arroca, fille d'un excellent gentilhomme d'Aragon. Les d'Arroca seraient-ils parents avec les Salandrera ? Demanda le duc. Non, dit Baccara. Mais ce volumineux manuscrit que vous voyez là est une lettre du chevalier de Châteaumaille à vous adressée. À moi ? Il a passé à l'écrire la nuit qui a précédé notre départ, et j'étais chargé de vous la remettre. Si vous permettez, je vous la lirai. Et vous verrez, acheva Baccara, que vous êtes beaucoup moins éloigné de Concepcion, surtout Don José étant mort, que vous ne le pensiez. Et Baccara déplia le manuscrit.